Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 96. De l'empire de l'homme dans l'état d'innocence. Empire sur les animaux et sur les autres créatures. Un mot sur l'inégalité, autorité de l'homme sur l'homme. 1. L'homme, dans l'état d'innocence, avait-il l'empire sur les animaux? La Genèse dit, en parlant d'Adam, que l'homme commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Genèse 2. Adam, avant son péché, régnait donc sur les animaux. Si, plus tard, il vit se révolter contre lui des êtres qui lui devaient l'obéissance, ce fut un châtiment et une suite de sa propre révolte contre Dieu. L'empire naturel de l'homme sur les animaux se démontre par trois raisons. Premièrement, par l'ordre de toute la nature, où les êtres moins parfaits servent à l'usage des plus parfaits. Ainsi les plantes se servent de la terre pour s'alimenter, les animaux se servent des plantes, l'homme se sert des plantes et des animaux. Naturellement donc les animaux sont sous l'empire de l'homme. En second lieu, la providence veut que les êtres supérieurs dirigent les inférieurs. Or, l'homme, créé seul à l'image de Dieu, est supérieur à tous les animaux, il est juste qu'il ait l'empire sur eux. Troisièmement, ce droit résulte des propriétés qui distinguent l'homme et les animaux. Ces derniers ont une sorte de prudence dans l'instinct qui les dirige vers quelques actes particuliers, mais l'homme a une prudence universelle dont il peut faire usage pour toutes ses actions. Or, ce qui n'est qu'une participation dépend de ce qui existe par essence d'une manière universelle. Il est donc évident que les animaux sont naturellement sous la dépendance de l'homme. 2. L'homme aurait-il eu l'empire sur toutes les créatures? Adam devait régner sur toutes les créatures de la terre, car il est dit dans la Genèse qu'il commande à toute créature. Genèse 1, 26. Au-dedans de lui-même, il dominait sur ses facultés sensitives, au-dehors, sur les animaux et sur les choses inanimées. 3. Les hommes auraient-ils été égaux? Ce qui vient de Dieu, nous dit l'apôtre, a été soumis à un ordre. Romains 13, 1. Or, il n'y a pas d'ordre sans inégalité. L'inégalité, même dans l'état d'innocence, était absolument nécessaire, premièrement, quant au sexe, condition essentielle de la génération, deuxièmement, quant à l'âge, les uns devant naître des autres. Troisièmement, quant à la justice et à la science, en vertu du libre arbitre. Quatrièmement, quant au corps, à raison des lois physiques et de la différence des aliments. Cinquièmement, quant à la force, à la taille et à la beauté, par suite de ce qui précède. Outre ces inégalités qui devaient provenir de la nature, Dieu en aurait produit d'autres. Pour mieux faire ressortir, dans la société, la beauté de l'ordre, il aurait établi divers degrés d'élévation parmi les hommes. 4. L'homme aurait-il dominé sur l'homme? La servitude, qui est une des punitions du péché, n'aurait pas existé dans l'état d'innocence, aucun homme ne faisant servir à son utilité propre les sujets qui lui auraient été soumis, il n'y aurait pas eu d'esclave. Mais l'autorité qui s'accorde avec la liberté, et par laquelle celui qui obéit est dirigé pour son propre bien ou pour le bien commun, y aurait été exercée, d'abord, parce que l'homme est destiné à vivre en société, et que la vie sociale ne saurait exister sans quelqu'un qui ait la préséance avec la charge de pourvoir au bien commun, ensuite, Parce que quiconque aurait eu une supériorité de science ou de justice en aurait usé pour le bien de tous, conformément à cette parole, que chacun répande sur les autres la grâce qu'il a reçue. 1 Pierre 4, 10. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.